11. Pirate un jour, pirate toujours. Lu par Yann G. Pirate un jour, pirate toujours. Si personne ne considère aujourd'hui qu'enregistrer un film sur une cassette VHS est un acte de piraterie, il n'a pas toujours été ainsi. En 1976, les studios hollywoodiens poursuivent Sony, le fabricant du Betamax, l'un des premiers magnétoscopes à enregistrer Disney au grand public. La fonction de cette machine étant de permettre de copier des films couverts par un copyright. Le Betamax est, selon eux, un outil de pirate. Nous sommes aux États-Unis, pays de la common law. À la différence de la France, le droit n'y est pas aussi précis. Les textes de loi sont moins directifs et l'essentiel du droit se construit au fil du temps, grâce à la jurisprudence des tribunaux. On ne trouve pas formellement d'exception au copyright, avec les définitions précises que l'on peut trouver dans le code de la propriété intellectuelle. Pas de trace, notamment, de la notion de copie privée, qui s'est appliquée sans ambiguïté sur les magnétoscopes de l'Hexagone. À la place, les Américains disposent du fair use, l'usage honnête, à la définition mouvante et que les tribunaux interprètent au fur et à mesure des cas qui leur sont soumis, dont celui du magnétoscope, qui sera l'objet d'une bataille judiciaire de 8 ans pour déterminer s'il s'agit d'une machine pirate ou non, et si ses utilisateurs commettent un délit. Par leur virulence, les arguments des opposants à Sony ne sont pas sans rappeler les discours des industries culturelles d'aujourd'hui, fustigeant l'Internet et les réseaux d'échange de musique et de films. On retrouve d'ailleurs Jacques Valenti à la tête de la Motion Picture Association, MPA, le syndicat des studios hollywoodiens. Dans un discours prononcé en 1982 devant le Congrès américain, il comparait l'arrivée des magnétoscopes à une avalanche. Il jouait sur le sentiment anti-japonais, caractéristique d'une Amérique dont l'hégémonie économique se voyait chahutée par un concurrent très offensif. Certes, la majorité des fabricants de magnétoscopes sont japonais, et le cinéma, lui, est américain. Les Japonais ne peuvent copier nos films par un assaut frontal, mais ils peuvent les détruire avec ce magnétoscope. Selon Valenti, cette machine est aux producteurs de films et au public ce que l'étrangleur de Boston est aux femmes seules chez elles. L'incertitude prendra fin en 1984, avec une décision de la Cour suprême favorable à cette nouvelle technologie de l'époque. Primo, l'enregistrement des films à la télévision tient bien du fair use. Secondo, les fabricants de magnétoscopes ne peuvent être tenus responsables des usages potentiellement répréhensibles de ces machines. La Cour fait remarquer qu'il serait absurde d'interdire une technologie au prétexte qu'une partie de ses usages serait illégale. C'est la logique du couteau. S'il peut servir à commettre des meurtres, il sert aussi à découper. Le meurtre est illégal, pas le couteau. À Hollywood de se débrouiller avec cette nouvelle donne. Les studios s'en sortiront très bien, puisqu'en 2002, 46% de leurs revenus provenaient de la vente et de la location de VHS et de DVD.